l'éternel de Johann Sfar. Adaptation, Laure et Mazière. Première partie. Front russe, hiver 1917. Je vais la réveiller si je joue du violon. Oh, mais on s'en fout, elle dort tout le temps. T'as vu? Même quand elle dort, elle réagit. Mais laisse-la, elle a besoin de dormir, car les femmes enceintes dorment beaucoup. Oh, tu veux voir ses loges, petit frère? Elles étaient déjà conséquentes, mais alors là, sans doute. C'est pas ma fiancée, car. Mais c'est pas la mienne non plus, ça n'a rien à voir. C'est juste une paysanne, et je la baise. Oui, mais mon enfant, c'est le tien. Enfin, car cette fille est nue. C'est indécent, il y a des soldats partout. J'ai l'air d'un lion, non? On me dit toujours c'est à cause de mes longs cheveux roux. Oh, Jonas! Mais tu vois que tu la regardes? Pas du tout. Aïe! Silence, Jonas! Respectez les gradés! Quin, tu m'abandonneras pas? Tu me promets que t'as personne à Odessa? Y a pas d'autres filles. Tu me présenteras tes parents. Tu sais, ça me dérange pas si c'est des juifs. Ah, tu veux rien. Allez, rien du tout. Suce-moi. Je vais y aller. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis qu'il peut venir avec nous s'il veut, ton frère. Mais son violon, c'est chiant. Allez, viens. Viens, Jonas, tu vois que ça la dérange pas. Non, ça va, c'est bon. Allez, Kain, dis-moi que tu m'aimes. Eh ben la sentinelle, c'est pas toi qui va nous avertir s'il se passe quelque chose. Hein. Ah mais laisse-le dormir. Il va rien se passer, on est trop bien planqués. Pas un Allemand viendra par ici. Et l'armée cosaque est trop épuisée pour nous chercher. T'as un truc à boire? Non. Jonas, ton frère baise ma sœur et tu me baises pas? Mary, j'étais obligée d'être toute nue, c'est un truc de famille. C'est parce que mon linge sèche. Ça me va bien? Réponds. M'en fous de ton violon, réponds. Je danse bien? Mais c'est triste votre musique de juif, c'est chiant. C'est du classique, allez, rhabille-toi. Et si je sautille, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais parfaitement que je suis fiancée. Ah, pas aucune fiancée dans les parages, hein. Mérige. Attends, je regarde. Je vois un bateau à moitié détruit, des soldats, une plage, des dunes, non? Ah, tu parles de la petite photo rabougrie dans ton pendentif? Non, je suis quand même mieux qu'une photo, non? Regarde, je danse. Non, arrête pas de jouer. M'en fiche, même si tu joues plus, je danse encore. Arrête, Mary! Embrasse-moi. Bon, on va te coucher. Allez, arrête. Si ton frère veut me baiser, je dirai pas non, ça t'apprendra. Bah si tu t'envoies qu'à un, ta folle de sœur te noiera. Elle a l'habitude. N'importe quoi. Allez. Mais c'est pas vrai, mais tu pisses contre le vent. Ah, oh, tu sais que bander malgré ta musique déprimante, c'est un tour de force. Hein. Je suis un héros. C'est une conne. À aider? Non, Yelena. Ta fiancée est conne, Jonas. Ne parle jamais d'elle, t'entends? Elle te casse les couilles avant même que tu l'épouses. T'as vu son air bête sur ton pendentif? Est-ce que t'as constaté que dès qu'elle est contrariée, elle louche en arquant un sourcil? T'as remarqué comme tout est grave avec elle. Ta gueule. Eh bien, tu la vois, tu débandes. Parce qu'en la baisant, tu rends ses parents heureux. Tu peux baiser, toi, avec toute la famille qui te regarde et qui t'applaudit. Il ne baisse que pour le Shabbat, cette engeance-là, à travers un drap. Mais Yelena est pire. Son père, il est si strict que je soupçonne d'avoir conçu sa fille à travers un drap non troué. Et t'es amoureux de la fille de spermatozoïde qu'ont traversé le coton rêche. Tu parles pas de Yelena. La vérité, c'est qu'elle n'a jamais voulu toi et ça, tu ne peux pas l'avaler. Ta fiancée, je la baisse quand je veux. Tu ne parles pas d'elle. Peut-être que les Cosaques nous aiment parce qu'on est totalement idiots. Toi, tu es idiot. Moi, je vais mourir, alors je fais de mon mieux pour ne pas m'ennuyer. Si je meurs... C'est pas une question. On va mourir. Regarde-nous. On est planqués avec les Cosaques, on n'a que des sabres et moins de fusils que d'hommes. Ils meurent tous. Tu vas mourir sans Yelena et t'auras même pas eu les autres. Et j'aime cette fille. Je vois pas le rapport. Je me suis engagé. Si je fais comme toi, si je vais avec d'autres, elle le saura. Et quand je la retrouverai, notre mariage sera moins beau. Non, si tu ne dis rien, elle ne saura rien. Je ne vais pas mourir car j'ai rêvé très précisément des enfants qu'elle aura avec moi. Je les ai vus. Notre histoire est écrite. Oh, tu me dégoûtes. Hein. Tu transformes tout en miel poisseux. Ah, je vais dormir. Bon, je vais finir mon morceau. Viens dormir, petit frère. Jusqu'au bord de la plage. Après, on sort. On se cache derrière ces collines. Regarde. C'est arrivé. Regarde. Il faut la sauver. Jonas, si tu suicides, Elle est entourée de soldats. Il faut charger. Il faut l'aider. Charger avec quoi? Jonas, plonge! Hansi, réunis les corps, fais-moi une belle pile. Il vise bien, Fédor. Il vise mieux que toi. Et tu le sais. Hein? Elle est belle, celle-là. Vous auriez pu la garder. Tu rigoles ou quoi? Elle est enceinte, c'est dégueulasse. On en a une autre là-bas. Voilà bien la seule société à qui mon uniforme inspirera un minimum de respect. Qu'est-ce que vous transportez dans ce chariot? Juste des bibles. La Torah, le Gémoro, le Talmud. Attendez voir. Montre-moi ce volume. Approche-toi, voyons. Montre-moi ta barbe. Ah, une fausse barbe. Alors vous, vous êtes de vrais ou pas, mais de faux religieux. Et des gosses avec ça. Pitié. Pitié, officier. Vous aussi, vous êtes pour la révolution, regardez. Marx, Bakounine, Grosser Kundes. Et à poil, tous les deux. Donnez-moi vos manteaux, vous prendrez mon uniforme. Je vais mettre et votre costume de religieux. La kippa, les guêtres. Bah allez, filez. Merci de nous laisser vivre, officier. Tu vois, ça veut dire que l'Éternel nous aime. Je ne dis plus l'Éternel, dit le peuple, mais avec la même ferveur. L'important, c'est de garder la foi. Et arrêtez de parler, sinon je vous bute. Je ne suis pas croyant, mais j'ai l'habit approprié, petit frère. Si Dieu se penche du haut de sa montagne, il ne verra qu'une tête de con calotée comme les autres. Ma prière ira jusqu'à lui. Je t'aime, petit frère. Je n'ai pas été lâche. Je n'ai rien pu faire. C'est toi qui es un con. J'ai vu les enfants qu'on aura avec Yelena. Que j'ai du chagrin. S'il y a un paradis, ça doit être ennuyeux. Et tu y es, sans doute, hein, à force de ne rien faire d'amusant et de mourir bravement. Si tu veux, j'égorge ta princesse et elle te rejoint là-bas. Mais s'il n'y a rien, tu crois que je peux tuer cette fille sans certitude ? Odessa, Ukraine, 1917. Quelques jours plus tard. Bonsoir, la famille. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh, ben alors, c'est l'exode autour de la table en 80 jours, hein? Ben, Yelena, ma chérie, t'es toute pâle, qu'est-ce qui se passe? Papa. Hélas, mon ami. C'est Karin qui est ici. Il est venu depuis le front russe nous annoncer la nouvelle. Karin, c'est toi? Avec ce costume de religieux, je t'avais pas reconnu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jonas? Assieds-toi, Reb Mordechai. Yelena, ma chérie, mange quelque chose. Je n'ai pas faim, maman. Non. On va chercher plus de baraque. Tu vois bien que tout le monde est affamé. Il a combattu bravement à mes côtés, mais il n'a pas été assez fort. J'ai tout fait pour le sauver. Je m'en veux tellement d'avoir survécu. Pauvre garçon. Oh, reprends un peu de gâteau au miel, hein, Yelena. Mange. J'ai pas faim. Mange. Après ce long voyage... Ce long voyage. Oui. Oui, je suis sûr qu'il a été brave. Je le considérais déjà comme un fils. Je suis désormais un déserteur, un danger pour vous tous. Je ne veux vous faire courir aucun danger, je voulais seulement vous prévenir. Merci pour le repas. Attends. Tu ne penses donc qu'à toi ? Quoi ? Mais si tu t'en vas, que va devenir ma nièce? Qui voudra d'elle? Yelena, tu dois épouser Karin. Quoi? Rivke, tu peux bien laisser une minute à la petite pour s'en remettre? Enfin! Mais quand un mari meurt, son père ne doit pas laisser l'épouse toute seule. Oh, qu'est-ce que dit cette folle? Il n'était pas marié, Rivke. Fiancé seulement. Ça ne change rien. Un mari mort au combat... Un fiancé! C'est pareil, ça porte malheur. Les hommes ne voudront pas d'elle. Ils diront qu'elle n'a pas assez prié. Ça suffit! Comment tu peux rompre des fiançailles avec un mort? Qui va te... On demandera un rabbin. Maman! Ça suffit! Yente, que ta sœur sorte! Rivke, reviens! Tu es fou, Mordechai? Rivke, reviens! J'ai ma dignité. Si on ne veut plus de moi, je m'en vais. Laisse ma sœur sortir au moment du marché... Et toute la ville saura notre situation, Mordechai. C'est ça ta réaction, Mordechai? Tu trouves ça adulte, Reb Mordechai? La Traviata, vraiment. C'est une famille de fous. Ça, c'est sûr. Excusez-moi. Elle est jolie. Non, je peux pas faire ça, Jonas. Mais pourquoi? Si c'est pas moi, elle en épousera un autre. Je le déteste de m'avoir fait ça. Je lui avais interdit de partir dans cette guerre. S'il m'avait vraiment aimé, il serait resté ici. Il est impardonnable. Tu peux t'en aller si tu veux, te sens pas obligé. Non. Toutes mes pensées sont avec mon frère. Missy, c'est tout ce qu'il aimait. Il y a les instruments de musique, il y a... Moi ? Te fatigue pas. Jonas m'a très bien expliqué le mal que tu disais de moi. Tu m'as jamais aimé. Je n'aimais pas qu'on me prenne mon petit frère. J'étais en colère. Contre qui maintenant ta colère ? Mon frère. Il est mort parce qu'il n'avait rien à faire dans une guerre. Toi, oui. Moi ? Oui, j'ai le goût du sang. Je sais quand il faut mordre et quand il faut se planquer. Jonas agissait en fonction d'idées abstraites. L'honneur, le devoir. La guerre, c'est plus lâche, c'est plus bête. Emmène-moi plus... dehors. Ah ben, je peux pas. Je suis en deuil. Moi aussi. Non. Non, non, vous n'étiez pas marié. Selon la tradition, ça ne t'affecte pas. Et moi, je dois pas quitter la maison où j'ai pris le deuil pendant au moins... Oh, merde, j'y connais rien. 8 jours. Tu n'as le droit de sortir que pour la synagogue. Je dois y aller à quel moment ? Demain, très tôt. Amène-moi dehors. Je sors jamais. Passons par derrière. On ne devrait pas rester. Tout le monde te regarde. On est amoureux pour pas être seul, non ? Je sais pas. En réalité, on est toujours seul. Mais lorsque l'amour est présent, on se figure que ça va. Comme Dieu. Les gens se disent qu'il y a Dieu, alors ils peuvent dormir. Mais j'en sais rien. Bois encore. Je veux pas boire seule. Ton frère avait quelque chose, un vrai artiste, ça le débordait. Il regardait les gens et on se mettait à exister. Du romantisme. Non. Il faisait exister tout. Quand il me parlait, la voix me venait de l'intérieur. Comme si j'avais eu ces paroles en moi depuis ma naissance. Tout prenait une signification. Je cessais de croire en la vacuité. Tu sais dire vacuité? J'ai l'air si conne, vraiment. Il ne paraît que les filles malignes ne montrent pas leur intelligence au premier rendez-vous pour ne pas effrayer les hommes. C'est un rendez-vous. Non, pardon. Excuse-moi. Je vais rentrer. Sans moi? Oui. J'ai bu inconsidérément. Si c'est un rendez-vous, embrasse-moi. Non. Qu'un... Pardon, c'est l'alcool. Oh, je suis folle. Embrasse-moi. Il n'y a plus Jonas. Le frère que j'aimais, mon centre du monde, c'est fini. Il y a juste un tas de peau. De viande, de tendons et d'os qui fermentent sous la terre, inconscient du balai des vers, des mouches, des moisissures. Il y a juste le présent et le vrai monde. Moi, qui ai besoin d'argent et d'une maison, et cette petite capricieuse à qui il faut un homme, un vrai, qui lui apprenne que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. C'est que ce bruit. On peut pas dormir tranquille. Hein? Ça, c'est Karin qui couche encore avec Heidi. Ouh. Ah ben non. Heidi est morte. Elle a flambé comme une torche avec son enfant. Et moi aussi, j'ai flambé plus tard avec une flopée de cadavres. Est-ce que je rêve? Bon, je vais m'endormir et je serai ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bataille. Ouais, je me souviens d'une bataille. Du bruit. Ok. Je suis vivant. Je suis au milieu d'une fourmilière de 4 mètres, constituée en son cœur de mes amis soldats et de chevaux, tous uniformément grillés, le tout nappé de neige. Bon, bah, l'humour est intact, c'est déjà ça. Mais... Oh, mais c'est mon cheval qui marche seul dehors, là. Est-ce que je peux bouger? Est-ce que je peux... Combien de temps je suis resté là-dessous, moi? Yelena. Je veux revoir Yelena. Oh. Oh mon Dieu, que je me sens faible. Oh, ça fait du bien. Allez, viens là, mon cheval. Allez, viens. Doucement. Voilà. Allez, vite mon cheval. Allez, on va voir Yelena. Oh mon Dieu, que j'ai faim. Et que la route est longue. Il me faut une auberge. Un petit filet de... De viande? Oui. Un steak? Oh, avec un steak bien saignant. Oh. Et voilà. Un gentil chien. Et un petit chien. Quelle horreur! J'ai fait peur au chien, je suis désolé. Sardelle, les fusils! Oh, la tête qui fait! Oh, je dois encore avoir l'air d'un cadavre après tout ce temps. Ça dure combien de temps les effets secondaires? Excusez-moi, cher monsieur. Vous êtes combien? Rassurez-vous, mon régiment n'est pas là. Il est seul. Tuez-le. Ça ne fait rien! J'ai des contraintes alimentaires. Ah! Trouvez-moi un veau d'urgence ou un mouton ou une chèvre, je sais pas. Mais on se calme. Mais on se calme. Oh, que c'est bon. Ah mon Dieu, non, il faut que j'arrête tout de suite. Que c'est bon. Oh. J'ai dormi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle horreur. Tous ces paysans autour de moi, ils sont morts. Éviscérés. Visage arraché. J'ai du sang partout. Moi aussi, j'y ai échappé belle. Oh. La voilà, cette créature immonde. Crâne gris argent, oreilles déchiquetées, dents de brochet, un visage moitié chat, moitié requin. La voilà qui bouge. Oui. Cette créature bouge, elle se rapproche. Elle grossit. Non. Est-ce que... Il faut que j'en aie le cœur net. Un miroir. C'est moi. C'est moi, cette créature. Bon. Et mes vêtements qui sont tout tachés. Oh là là, je peux pas me présenter à Yelena dans cet état. Si Yelena me croit ruinée, c'est encore pire qu'être un... Enfin, qu'être cette chose, quoi. Bon. Prenons les choses en main. Je vais faire une lessive. Cette précipitation. Organiser un mariage le jour du Shabbat. Sois tranquille, Reb Mordechai. C'est le mieux qu'il puisse nous arriver. Ce type ne sait pas jouer. Foutez-le dehors. Maman! Tu peux venir m'aider? Yelena, arrête de changer d'avis. Cette robe est très bien. Tu crois? Je sais pas si Cain va aimer. Cain. C'est reparti pour Cain. J'arrive, ma chérie. Reb, tu as raison. Vire-le. Il joue trop mal. Même Yona, c'était meilleur. Ah là là, c'est dur de faire partir tout ce sang. Ah, c'est mieux. Voilà, ça, c'est de la chemise. Non, si je suis encore sur Terre, c'est pour Yelena, ça c'est sûr. Je lui ai promis une vie satisfaisante, des enfants. Voilà. Si on m'a redonné le souffle, c'est pour elle. Bon. Allons mettre ce linge à sécher quelque part. Voyons. Ben voilà. Cette poutre là-haut me paraît parfaite. Par contre, comment on y accède? Oh, ça alors! On se calme. Chaque chose en son temps. Faisons sécher cette chemise. Voilà, là, c'est parfait. Je vais expliquer la situation à Yelena. Malgré les inconvénients de ma nouvelle condition, je peux voler. Et je sais que les filles sont sensibles à de telles dispositions. Hein? C'est mieux que si je revenais les jambes coupées ou un bras en moins tout de même. Allez, on va redescendre. Je vais me laver. Il me faut juste quelques commandements pour rester un être décent. Manger avant d'avoir faim, histoire d'éviter la fringale et le trou de mémoire. Ne pas tuer, ou... dans la mesure du possible, ne s'en prendre qu'aux bêtes. Mettre un petit bonnet pour cacher mes oreilles. Si je m'y prends bien, on passera outre mes petites spécificités. Si je fais un effort, si j'y mets réellement du mien, on va vouloir de moi. Mademoiselle, dans mon sang, Dieu vous bénisse. Cimetière de Brooklyn, État de New York, 2015. Vous pouvez fermer, s'il vous plaît. Tout va bien, Madame Mendel? Streisand. Mon nom de jeune fille, c'est Streisand. Vu qu'on enterre mon mari, maintenant c'est mon nom. Rebecca Streisand. Madame Streisand. Je crois que la cérémonie va commencer. Vous pouvez mettre la radio, elle bugle là-dedans. Sans transition. La météo. Nous aurons un temps orageux aujourd'hui sur l'état de New York, avec une fine bruine en continu sur le New Jersey. Nous vous souhaitons néanmoins un joyeux Thanksgiving 2015. Couvrez-vous bien. Je suis pas triste, tu sais, Mendel. Je suis juste en colère. La planète entière parle de toi, de ton suicide, de ces lettres que tu as laissées. Et moi, je suis là, et je ne sais rien. J'ai mes lunettes noires sur le nez qui masquent une tristesse qui n'existe pas. Ça te manquera, tu sais, pour le deuil. Écoute, les journaux disent n'importe quoi sur mon fils. Cette femme-là, c'est que des mensonges. J'y crois pas une seule seconde. Rebecca, ma chérie, ce serait bien que tu viennes. Pour toi, mais tu t'en rends pas compte encore, mais tu en as besoin. Et puis, ça serait bien qu'on te voie. Pardon, Lise, je fais grève. Oh, tu es en colère, mon poulet, je comprends, mais... Mais ne la rejette pas sur ta famille. Au revoir, Lise. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en deuil, il faut déchirer ton vêtement. Mais je suis athée, Lise. Combien de fois il faut te le dire? Tu es née juive, tu seras toujours juive. Bon, je dois y aller. Mendel. Mendel. Je ne vais plus t'adresser la parole. Même dans ma tête, je vais cesser. Regarde-moi ces filles qui lèchent ton cercueil. On dirait des gastéropodes après l'orage. Elles sont pas mal, Mendel. Plus jolies, plus jeunes. Un peu le même look que moi. Les talons hauts, le décolleté, glam rock, mais plus jeunes. C'est pour laquelle que tu t'es tuée? Celle-là? Celle-là? Dis-moi. Dis-moi laquelle, et on envoie la Lexus dessus. Je veux entendre sa tête écrasée par les roues. Merci, Javier. Salut, Rem. Tu sais, sa guitare... Parce qu'en fait, c'était ma guitare, hein. Dès que tu peux, je vais la chercher, Rebecca. Bon. La cérémonie commence. Tu viens? Non, mais tu sais, on fera un truc bien mieux après, hein. Un concert hommage avec toutes les chansons de Mendel. Un grand hologramme. Mendel ne disparaîtra jamais. Il est éternel. Il sera toujours avec toi. Tu devrais y aller, John. Comme tu dis, ça a commencé. Tu es choqué. Écoute, si tu veux te distraire... Non, ça va pas, non mais casse-toi, connard! Non mais je rêve! Pardon. Tu es très belle, comme d'habitude. Avec les lunettes, là, c'est encore mieux. Ton côté docteur, là, très sérieux. Dehors, là. Vas-y, dégage. Tout ça doit être un rêve. Qu'est-ce qu'on fait, Madame Streisand? On reste là. on débarque d'Ukraine à 8 ans. On comprend rien aux juifs de Brooklyn. On les trouve trop sages, trop fragiles. Et on s'ennuie beaucoup. 10 ans plus tard, on en croise un qui vient d'Odessa, lui aussi. Il est arrivé plus tard de l'Est. Il se souvient mieux à quoi ça ressemble. Il est fou et provoquant. On se laisse embobiner. On lui dit « Je m'attendais pas à toi ». Et avec orgueil, on s'imagine qu'on saura apaiser ses révoltes. On se persuade que le monde doit rimer à quelque chose. On se répète que si ce garçon a des blessures, c'est uniquement pour qu'on lui prouve qu'on peut les soigner. On se donne ainsi le sentiment d'être indispensable. Il devient une rockstar. On est contente pour lui. On est plus intelligente que lui. On est diplômée en psychopathologie. Même notre mari nous appelle docteur. Il nous admire. Il est tout le temps en tournée. Et puis il crève. Et on éprouve un sentiment de flottement auquel s'ajoute la culpabilité de ne pas être malheureuse. Je vous ramène à Providence, Madame Mendel. Madame quoi ? Madame Streisand, excusez-moi. Vous n'allez pas rester sous la pluie toute la nuit, Madame Streisand ? Je vais garder la voiture. Je conduirai. Vous pouvez prendre le métro, merci. Conduire dans votre état ? Quel état ? Vingt ans que je porte des talons de 10 cm et je sais toujours pas marcher avec. Je me suis demandé comment m'habiller ce matin pour toi, Mendel. J'ai pris cette robe. Je l'ai déchirée. Elle est encore plus courte que d'habitude. T'avais une chanson sur ça, à mon sujet, non, Mendel? Rigid mother I'd like to fuck with a too short dress. T'es content? Je te parle plus. Eh ben dis donc, Mendel, si tu voyais ta tombe, t'es comme les Didi, t'as des fans de merde. Les peluches, les cœurs roses, les symboles révolutionnaires, qui ne veulent rien dire, comme dans tes chansons, Mendel. Klezmer rock, toi le petit juif américain épanoui, du klezmer où passent des surfs et des souvenirs de courses automobiles. Et là-bas, regarde. T'as un fan de la dernière heure, habillé en ange de la mort avec une grande cape. C'est quoi ce dingue? Il va se retourner vers moi et me jouer un petit morceau, tu crois? Mais. Excusez-moi. Au secours! Oh, oh, ça va très bon! Arrêtez-vous! Vous êtes un vampire. Bon, on n'est pas obligé de verser tout de suite dans les remarques stigmatisantes. Je suis désolé. Enfin, pour ça, là. Et en même temps, c'était vraiment trop tentant. Ah, une petite griffure, là, sur la surface de vos cuisses, je... Non, j'ose pas. Je vous préviens, mon sang n'est compatible avec rien. Je me laisserai. Non mais arrêtez là, je dis pas arrêtez parce que j'ai peur de vos prières, mais c'est juste, je dis arrêtez parce que c'est embarrassant là. Ça fonctionne pas sur moi, vous voyez bien, je suis pas ici pour vous faire du mal. Quand on a votre gueule de chauve-souris, et vos yeux, et vos oreilles, et vos dents, on traîne pas la nuit dans les cimetières. Bon, c'est pas mon habitude, figurez-vous. Mais j'étais fan de lui, Mendel. Et puis il venait d'Odessa comme moi. Vous aussi, vous étiez une fan? Non, moi je suis pas là pour la musique. Ah bon? Ah pardon, mais vous aviez l'air d'une vraie fan, là, tout en noir, là, la jupe, les talons... Bon, vous me tuez pas, alors? Je sais pas. Arrêtez de gigoter, enfin! Je vais pas vous mordre ou vous prendre votre sang ou rien de tel. Je sais me tenir malgré ma condition. Et puis si je dois vous assassiner, c'est uniquement à cause du secret. Ben voilà, vous m'avez vu. Il y a des lois très strictes. Si les gens savent mon existence, enfin, l'existence des êtres non répertoriés comme moi... Il y a des risques politiques énormes. Et puis, vous n'avez pas l'air capable de garder un secret. Je suis docteur. J'ai le secret médical. C'est un serment, on brise pas ça. Ça va pas suffire, je suis désolé. Mais par curiosité, vous êtes docteur en quoi? Oh, écoutez, n'ajoutez pas une humiliation supplémentaire au moment du trépas. Je suis psy. Oh, ça va, arrêtez ce silence. Je sais très bien ce qu'on peut répondre à une fille juive de New York qui fait ce métier. C'est comme ça, voilà, je suis banale et inutile. Et en plus... Moi aussi, j'ai des paranoïas au sujet de mon judaïsme. Je m'imagine toujours que c'est de l'antisémitisme quand on me déteste. Or, ça n'a rien à voir. C'est plutôt à cause de mes dents pointues ou de ma capacité au meurtre. Enfin, je dis meurtre, je suis pas un serial killer, c'est ma nature. On va pas reprocher aux lions ce qu'il fait aux zèbres. Et dans mon cas, j'ai tellement d'inhibition que je ne fais pas de mal à grand monde. Je m'appelle Jonas, au fait. Jonas Furman, d'Odessa. Rebecca Streisand, d'Odessa aussi. Mais je suis arrivée ici avant Mendel, mon mari, enterré dans cette tombe là-bas. J'ai migré quand j'étais petite, ça fait longtemps. Moi aussi, longtemps. Bon, je ne veux pas faire durer ce supplice, soit vous acceptez, soit je vous tue. Accepter quoi? Bah, de me prendre. Ah. Oui, je comprends. Très bien. Non, attends, qu'est-ce que vous fichez là? Habillez-vous, me prendre comme patient. Vous êtes troublé ou quoi? Vous voulez faire une psychanalyse? Oui, enfin, j'essaie la littérature depuis longtemps, mais j'avance pas. Et là où en est ma situation, j'ai vraiment besoin de parler. Alors je sais que j'enfreins 1000 lois, mais j'ai besoin d'être égoïste. Ça fait précisément 95 ans que je me débat avec des soucis sans les affronter clairement. J'ai besoin d'aide. Vous comprenez bien entendu que ça rend les choses encore plus sensibles. Je veux dire le secret professionnel. Je vais vous dire des choses personnelles que personne ne doit savoir. Donc il faudra pas... Parler. Voilà. Sinon je vous mange. Très bien. Très bien, monsieur Jonas. Mais malheureusement, c'est très loin chez moi. J'habite Providence, en Nouvelle-Angleterre. Peut-être, par contre, que je pourrais vous recommander à un collègue de New York. Non, c'est parfait, Providence. C'est tout près de mon château. Vous faites des nocturnes? Non, parce que, en fait, il faudrait des nocturnes. Écoutez, je vais rentrer chez moi et on se passe un coup de fil. D'accord? Vous savez vous servir d'un téléphone? Ah, je vous ramène! Vous avez déjà volé? Sans façon. Je vais conduire. Bah enfin, c'est très loin, Providence. Et puis c'est vraiment agréable de voler sous la pluie. Merci, mais non. En fait, si j'avais été un super-héros, vous auriez dit oui tout de suite. Je sais pas. Je peux y aller. Très bien. Allez, je vous suis. Fin de la première partie. L'éternel de Johann Spaff. Une adaptation de L'Or des Mazières, d'après le roman de Johann Spaff, publié chez Albin Michel. Conseillère littéraire, Caroline Wasana. Avec Toufik Jalab, Juliette Navis Bardin, Joachim Salinger, Camille de Sablet, Anne K., Caroline Breton, Bruno Raffaelli, Christine Pignet, Johanna Nizar, Sergei Vladimirov, Anne Deleuze, Xavier Brossard, Jochen Hagele, Xavier Xapla, Brice Hilleret, Sylvain Levy, Pierre-Marie Schneider, Daniel Kredenstein, Raresh Yenasoai, Camille Clarisse, Elodie Menon, Georges Serre, Sophie Bézard, Yana Bitnerova, Christina Crévillon, Pierre Mignard, Bruno De Green, Romain Jouffroy, Othello Vilgar, Thomas Gourdi, Jean-Charles Delon, Guillaume Bourboulon, Cyril Texier, Nicolas Marchand, Sébastien Fulguin, Yannick Laurent, avec Eleonore Biesunski au violon et au piano, Ricardo Garbatsky. Remerciements à Aurélien Bianco. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Aussy. Mmh.